بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. On continue les durs de fiqh. On était Kitab al-Salat, le livre de la Salat de Umdat al-Fiqh de l'imam Ibn Qudama rahimahullah. Bab Shurut al-Salat. Le chapitre, les conditions de la Salat. Les conditions de la Salat. Dans certains versets, il est venu Bab Shara'it al-Salat. Ça a le même sens. Shurut al-Shara'it. Jam'u Shart. الشرط la condition وما يلزم من انتفائه انتفاء الحكم. La condition, c'est ce qui implique l'absence de l'acte si la condition est absente, ou la nullité de l'acte si la condition est absente. Alors, si la condition est tombe, bâte. Et là, on comprend mieux avec ce ta'rif usuli, cette définition de base, l'importance d'apprendre par exemple le shurut, les conditions du tawhid. Parce que s'il n'y a pas ces conditions-là, le tawhid tombe, c'est bâti. وَقَالُوا الشَّرْطُ مَا لَا يُجَدُ الْمَشْرُوطُ مَا عَدَمِهِ وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يُوجَدَ عِنْدَ وُجُودِهِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ وَمَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ صِحَّةُ الشَّيْءِ إِنْ لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ ولا يكون منها. المبدع شرح المقنع المجلد الأول صفحة 34 و 300. Ils disent, ils donnent d'autres définitions, les ulama dans un seul livre qui s'appelle Mubdi, et ils disent que l'authenticité d'un acte, la condition c'est quoi? C'est ce dont dépend l'authenticité de l'acte. Ce dont dépend l'authenticité de l'acte. Vous êtes avec moi? La condition, c'est ce dont dépend l'authenticité de l'acte. وهي ستة. ابن قدامة dit les conditions de la salat sont au nombre de 6. Ce que je vais faire, c'est que je vais les citer de manière résumée maintenant les 6 et qu'ensuite on va les développer. D'accord? شرط الأول الطهارة من الحدث. الطهارة من الحدث. La première condition, le fait d'être pur. Et ici, ce qu'on parle, quand on parle de la purification, on parle de la purification de la personne, c'est-à-dire d'avoir le wudu, hein, du fait d'être en état de pureté rituelle. Bon. الثاني الوقت. La deuxième condition, l'heure. دخول الوقت. L'entrée de l'heure de la salat. Et on a vu que c'est une condition aussi. أن لا يكون لا تكون الصلاة بعد الوقت. Pas la personne, il fait pas la salat après l'heure. Et que la vie le plus juste de l'homme, c'est que la salat, elle est bâtée là, et que la personne, lui, est murtad. On va quand même jouer à Sahab à la couvrir la satr al-awra, le fait de couvrir la partie à cacher, le fait de couvrir sa nudité. On va détailler tout ça, inch'Allah. الرابع الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع الصلاة. Quatrième condition, purifier, être pur de toute impureté, cela soit sur le corps, sur l'habit, ou à l'endroit où on prie. Alors qu'il n'y ait pas d'impureté ni sur le corps de la personne, ni sur son vêtement, ni sur l'endroit où il prie. Et dans cela, on détaillera les endroits où il est interdit de prier. الشرط الخامس استقبال القبلة. La cinquième condition, faire face à la Qibla. Être tourné vers la Qibla. الشرط السادس, sixième condition, النية للصلاة بعينها. C'est d'avoir l'intention de faire la salat que l'on va prier. C'est-à-dire qu'il va faire dhuhr, qu'il a l'intention de faire le dhuhr, etc. On détaillera cette question-là, Inch'Allah. Allez, on détaille Inch'Allah maintenant. الطهارة من الحدث. الشرط الأول الطهارة من الحدث. La première condition, l'être fait d'être en état de pureté rituelle. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ. Et la preuve est la parole du prophète صلى الله عليه وسلم. Pas de salat que celui qui n'est pas en état de pureté rituelle ou qui a rompu sa pureté rituelle jusqu'à ce qu'il fasse al-wudu, jusqu'à ce qu'il fasse ses ablutions. Hadith, on l'a déjà vu précédemment, je pense au début du chapitre à salam. Toute cette condition-là, on ne va pas la détailler. Pourquoi? Parce qu'on l'a détaillé dans Kitab al-Tahara. Ici, on vous reconnaît tout. Sur al-wudu, sur al-tayammum, sur al-ghusl, naql al-wudu, etc. etc. Tout ça, ça concerne la première condition de la salat. La charte الثانية, le waqt. La deuxième condition, le temps. قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Allah il a dit dans surat al-Nisa, verset 103, surat 4, verset 103, ce qui signifie la salat est pour les croyants une obligation dans son temps. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني أجمع المسلمون على أن الصلوات الخمسة مؤقتة بمواقيت معلومة محدودة في المغني المجلد الأول صفحة 64-400. ابن قدامة رحمه الله يدي سيتن إجماع المسلمين sont unanimes que les cinq prières ont un temps connu et délimité. C'est dans le Mourni, le volume 1, la page 464. وقال رحمه الله ومن صلى قبل الوقت لم يجز صلاته في قول أكثر أهل العلم سواء فعله عمدا أو خطأ كل الصلاة أو بعضها وبه قول الزهري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي وروي عن ابن عمر وابي موسى أنهما أعاد الفجر لأنهما صلياها قبل الوقت. طيب ابن قدامة يدي رحمه الله quant à celui qui prie avant l'heure sa salat ne sera pas valide. Et ça c'est l'avis de la majorité des savants, qu'il le fasse volontairement ou par erreur. Que ça soit toute sa salat qui soit avant l'heure ou une partie. C'est-à-dire, par exemple, il fait le takbir, vous avez compris, il fait le takbir à l'Ihram, par exemple, il fait la première raka' en dehors de l'heure, et après l'heure rentre, il a la troisième raka'. Salat al-batila. C'est l'avis de Zuhri, de l'Auza'i, de Shafi'i et des gens de l'opinion. Quel mauvais nom, mais c'est le nom de l'école d'Abu Hanifa. Et ceci est rapporté de Ibn Omar et de Abu Moussa, comme quoi ils ont refait le fajr, ils ont refait le fajr car ils avaient prié avant l'heure. Ils avaient prié avant l'heure, donc on a le Sahara. Voilà, fait le Mourni, Moujalal Awal. C'est aussi dans le Mourni. Tout ça, c'est dans le Mourni. Et ensuite, il détaille les heures des salats. Ici, Ibn Qudama, rahimahullah, il a tout mis dans le chapitre des conditions de la salat. Certains ulema, ils font, dans certains livres du fiqh, on trouve que c'est un chapitre à part. Mawaqit as-salat, hein, les temps de la prière. Ici, il va faire rentrer. Essayez de le faire. Il dit, rahimahullah, ووقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله وزالت الشمس مالت الشمس عن وسط السماء إلى جانب الغروب كما جاء في توضيح الأحكام شرح بلوغ المرام. Il dit Ibn Qudama, il dit quoi? L'heure du Dhuhr, c'est quand il y a le zawal du soleil. Le zawal, il faut bien comprendre que le zawal, c'est pas le zénith. C'est pas quand le soleil est au zénith. Ça, c'est entre guillemets, c'est comme midi ou enfin, le zawal, c'est ça. C'est pas ça, pardon. Le zawal, c'est quand le soleil, justement, n'est plus au zénith complètement, mais commence à descendre vers el-ghurub. D'accord? C'est-à-dire qu'il commence à se diriger vers l'endroit où il va se coucher. Vous avez compris? Ça, c'est l'heure. L'heure, elle rentre à ce moment-là. L'heure, elle rentre à ce moment-là. Et elle finit quand? Il a un yassir à dhulli kulli shay'in mithla. Jusqu'à ce que. Jusqu'au temps où l'ombre d'une personne est l'égal de sa taille. Où l'ombre d'une personne ou d'une chose est l'égal de sa taille. On va le détailler, inshallah, après, dans le hadith. C'est-à-dire, on ne va pas le détailler, on va donner les preuves par la suite. Tout ça, c'est basé sur les hadiths. Vous avez compris ? C'est bon ? وَوَقْتُ الْعَصْرِ هِيَ الْوُسْطَى وَهِيَ الْوُسْطَى مِنْ آخِرِ وَقْتِ الظُّهْرِ إِلَىٰ أَنْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ ثُمَّ يَذْهَبُ وَقْتُ الْإِخْتِيَارِ وَيَبْقَى وَقْتُ الضَّرُورَةِ إِلَىٰ غُرُوبِ الشَّمْسِ. L'heure de l'Asr, l'Asr déjà c'est ce qu'on appelle l'Wusta, la salat médiane. Dans le Coran quand il vient, حَافِظُ عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاتِ الْوُسْطَى. La salat médiane, c'est la salat de l'Asr. Elle commence quand l'heure de Dhuhr finit, c'est-à-dire quand l'ombre de chaque chose est égale à cette chose-là. Il n'y aura personne. Ça s'est rapporté dans Sunan Abi Daoud, mais on va voir le hadith dans Sahih Muslim. Et la fin de l'heure de l'Asr, c'est tant que le tasfar al-shams, comme c'est venu dans le hadith, takunu safra inda qurbiha min al-ghurub wa as-sufratu lawn dam al-humra. Tant que le soleil n'est pas jaune rouge, c'est-à-dire c'est quand ça approche de quoi? Ça approche du crépuscule, hein, de le maghrib, de salat al-maghrib. Al-asr c'est jusqu'à ce moment-là. Ça, c'est waqt al-ikhtiyar, l'heure qu'il est bien de prier dans cette heure-là. Après, il y a une deuxième heure de l'asr qui rentre, ce qu'on appelle waqt al-darura. Là, l'heure de nécessité. D'accord? Jusqu'à ce que vienne ghurub al-shams. Et là, ghurub al-shams, c'est carrément, bon, on va le voir, la disparition du cercle solaire derrière l'horizon. Ghurub al-shams. طيب ووقت المغربي دونك لا اسمو مالا غروب الشمس لو سولي سو كوش سا سي كوني دو في تو الموند سي لو بلو فاسيل لا كومونس لور دو المغرب يا انكور دو لا لوميير بيان سور كي انكور دو لا لوميير كان لو سولي سو كوش اون رون لو جون اي اون بو فير صلاه المغرب الى ووقت المغرب الى ان يغيب الشفق الاحمر اي لور دو المغرب سي كوا C'est jusqu'à ce que disparaisse al-shafaq al-ahmar, la rougeur, une rougeur dans le ciel. Alladhi huwa baqiyatu shi'a'u ash-shams al-ghariba. C'est les restes en fait de la lumière du soleil qui s'est couché, d'accord? C'est une rougeur dans le ciel. Lorsque la rougeur disparaît dans le ciel, al-isha rentre. Al-isha rentre. Et l'Isha va jusqu'à quand? وقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل. Et l'Isha, c'est de ce temps-là, la rougeur, jusqu'à la moitié de la nuit. نصف الليل. Vous voyez? نصف الليل, c'est pas minuit. نصف الليل, c'est entre Maghreb et Al-Fajr. La nuit, elle commence à Al-Maghreb et finit à Al-Fajr. Et là, il dit une chose, Ibn Qudama, il dit, ثم يبقى وقت الضرورة. Pour eux, il y a deux sortes d'heures. La moitié de la nuit, c'est la fin d'une certaine heure, et après, il vient l'heure de nécessité, comme dans l'Asr, waqt al-Darura. Et cette heure-là, elle va jusqu'à quand? Il a Tulu' al-Fajr al-Thani, parce que la deuxième aube se lève. Quand on dit Tulu' al-Fajr al-Thani, il y a deux sortes d'aubes. On l'appelle al-Fajr al-Sadr, le Fajr véridique, et le Fajr mensonger. Et de cette confusion font, ou viennent, certaines divergences dans certaines mosquées. Ils prient en fait le Fajr au moment de al-Fajr al-Kadhib. C'est-à-dire que ce n'est pas encore réellement le Fajr. وقت الفجر l'heure de l'fajr c'est de ce moment-là, c'est-à-dire la levée de la deuxième aube, jusqu'à quand? Il a tour al-shams, jusqu'à ce que le soleil se lève, ce qu'on appelle le shuruq. L'heure de l'fajr est finie à ce moment-là, elle ne va pas jusqu'au dhuhr. طيب وهذه المواقيت الأصل فيها حديث ابن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ذل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر وقت العصر ما لم تصفر الشمس وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس رواه مسلم في صحيحه. Ça a été rapporté dans un hadith de Sahih Muslim, et c'est le premier hadith dans Bulugh al-Maram du chapitre al-Maqit. Vous y reviendrez, il est expliqué en détail dans les explications de Bulugh al-Maram. C'est ce qu'on vient de citer. Tous, qu'on vient de citer. Ensuite, il dit Ibn Qudama, rahimahullah, d'Amdat al-Fiqh, wa man kabbara li salatin, wa man kabbara li salati qabla khuruji waqtiha, faqad adrakaha. Celui qui dit Allahu Akbar pour une salat avant que l'heure ne sorte, il a fait la salat dans son temps. Oui. Donc l'important c'est le takbir. ثم قال رحمه الله والصلاة في أول الوقت أفضل. La prière au début de son heure est mieux. Hein? Il rapporte un hadith daïf, bel mawdou. أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله. C'est un hadith ضعيف. Le début de l'heure de la salat, c'est l'agrément d'Allah. La fin de l'heure, c'est le pardon d'Allah. La personne, c'est un hadith موضوع à كل حال. ضعيف أو موضوع. ضعفه ابن حجر. إلا في العشاء الآخرة. Sauf, il est mieux de prier la prière au début de son heure. Mieux. Et c'est permis. Hein, entre le dhuhr et l'asr, il est permis de la faire, on l'a dit, dans tout, mais c'est mieux de le faire au début de l'heure. C'est mieux de faire la salat au début de l'heure, illa fil isha al-akhira, sauf l'isha. L'isha, c'est mieux de la retarder. An Jabir ibn Samura, قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء الآخرة رواه أحمد ومسلم والنسائي. Jabir ibn Samura rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam retardait l'Isha. Et ça c'est rapporté par Ahmed Muslim et An-Nasa'i. Wa fi shiddatil harr adh-dhuhr. Et il est mieux de retarder le dhuhr lorsqu'il fait très très chaud. Oui. La preuve qu'il faut retarder le dhuhr à dhuhr en cas de grande chaleur, que c'est sunna de retarder للظهر ان كاد كان شلاء في الحديث عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاه فان شده الحر من فيح جهنم متفق عليه. Lorsque là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ce que signifie selon Abu Huraira, lorsque la chaleur devient dure, littéralement rafraîchissez la salah, c'est-à-dire abridou, utkhulou fi salat adh-dhuhr fi waqt al-bard, retardez-les jusqu'à ce qu'il fasse moins chaud. Fa inna shiddat al-harr min fayh jahannam, car la grande chaleur vient de l'enfer. Et shiddati ghilyaniha, elle boue, l'enfer boue, et sa chaleur se ressent, Allah a'lam, jusque sur la terre. Nasallahu yu'idana, nasallahu yahfazana min nar jahannam, na'udhu billahi min jahannam wa bi'sal masir. والحكمة في هذا راحة المصلين وتأديتها في جو مريح بعيد عن ما يشغل قلب المصلي عن الصلاة ويذهب عنه الخشوع الذي هو روح الصلاة. ولذا استحب العلماء الإبراد حتى في حق من يصلي وحده أو في بيته لأن المعنى في الجميع واحد. يجي البسام نتضح الأحكام فكم كوا ساسي جنرال سي جنرال pour celui qui prie tout seul comme pour celui qui prie en groupe. Pour que ça soit plus facile de prier à un moment où il fait moins chaud. Effectivement, dans la péninsule arabe, des fois, le voir en été, il fait extrêmement chaud. Il peut monter jusqu'à 40-50. Il faut mieux attendre un peu. Non. Fa'ida, ou mas'ala, men khafa khuruj al-waqt. Celui qui a peur que l'heure sorte, que fait-il? Al ibn Taymiyyah, rahimahullah. وسئل عن الحمام إذا اضطر المسلم للصلاة فيها وخاف فوات الوقت هل يجوز ذلك أم لا؟ فأجاب إذا لم يمكنه أن يغتسل ويخرج ويصلي حتى يخرج الوقت فإنه يغتسل ويصلي بالحمام. فإن الصلاة في الأماكن المنهية عنها في الوقت أولى من الصلاة بعد الوقت في غيرها. ولهذا لو حبس في الحش صلى فيه وفي الإعادة نزاع، والصحيح أنه لا إعادة عليه. ولهذا يصلي في الوقت عريانا إذا لم يمكنه إلا كذلك. فأما إن أمكنه الاغتسال والخروج للصلاة خارج الحمام في الوقت لم يجوز له الصلاة في الحمام. وكذلك لو أمكنه الاغتسال في بيته فإنه لا يصلي في الحمام إلا لحاجة، والله أعلم. مجموع الفتاوى المجلد 22 صفحة 59 و 100. ابن تيمية lui a demandé رحمه il faut bien faire attention. Il lui a demandé à propos d'une personne qui est dans le hammam, les bains publics. C'est interdit de prier dans le hammam, on va le voir. Mais il a peur, il est dans le hammam, genre il a oublié ou quoi que ce soit, et il a peur que l'heure de la salat sorte. Qu'est-ce qu'il fait? Ibn Taymiyyah, il a dit à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? S'il ne peut pas se laver, sortir et prier, qu'il a peur que l'heure sorte s'il fait cela, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la salat dans le hammam. Il dit pourquoi? Parce que le fait de faire la salat dans les endroits qui sont interdits est moins grave que de faire sortir la salat de son heure. Là, là. On a vu pourquoi. D'accord? Comme il dit, de même, une personne qui serait prisonnier, par exemple dans une poubelle ou dans un endroit sale, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la salat dans cet endroit-là. Et il n'a pas à la refaire selon la vie authentique, c'est Ibn Taymiyyah qui le dit. Et c'est dans le Majmou' al-Fatawa ou le Mendoa, parce que c'est un peu. Vous avez compris cette question-là? Adam Aratib al-A'mal, le fait de connaître les niveaux des actes, les niveaux de gravité, les niveaux de. Comment ça s'appelle? Les niveaux même au sein des obligations, il y a des niveaux. Au sein des interdictions, il y a des niveaux. D'accord? La charte 16, Satr al-Awra. بما لا يصف البشرة. La troisième condition, le fait de recouvrir sa aura, le fait de recouvrir sa aura. Et il dit le fait de couvrir sa aura par ce qui n'est pas transparent, par ce qui ne laisse pas voir la couleur de la peau. D'accord? Donc il faut ça ne soit pas transparent et non plus collant. Non plus collant. Ça, c'est une faïda pour les mutahajibat, les mutabarrijat. C'est elles qui mettent le hijab et qui en fait ne le portent pas. Et qui portent des hijabs. Et qui portent des hijabs qui sont soit transparents ou qui laissent passer, qui laissent voir la aura. La aura, c'est quoi? La aura, elle doit être recouverte par quelque chose qui ne la montre pas, c'est-à-dire qui n'est pas transparent, ni par quelque chose qui colle la aura. Les gens, ils ont ils le comprennent ça pour la aura des femmes, en disant qu'effectivement, une femme n'a pas le droit de porter un hijab qui laisserait voir même la forme de ses épaules. Par exemple, les vestes, n'importe quelle veste d'ailleurs, cintrée, hein, on met le jilbab sur la veste. Pas la veste sur le jilbab, sinon ça n'a rien de porter un jilbab, puisqu'on voit la forme des épaules, on voit la forme des bras, on voit la forme des... etc, etc. De même pour l'homme. La personne doit couvrir sa aura, et on va voir c'est quoi la aura, même si on dit que c'est du nombril jusqu'au genou, hein, il doit le couvrir par quelque chose qui n'est pas transparent, bon ça c'est quand même rare, ni collant, qui ne laisse pas voir la aura, qui ne moule pas les endroits qu'il faut normalement cacher. D'accord ? Ensuite il dit, la preuve de cela c'est un verset du Coran, la preuve de Surat al-Awra, c'est un verset du Coran, lorsqu'il dit Allah, Jalla fi'ula, Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid, wa kulu wa shrabu wa la tusrifu, innahu la yuhibbu al-musrifin. Dans Surat al-A'raf, Surat 7, le verset 31, Allah dit, ô fils de Adam, prenez vos parures ou mettez vos parures dans chaque masjid. Le masjid ici, ça peut avoir deux sens dans le tafsir en général. C'est soit l'endroit, soit le sujoud. Au moment où on fait le sujoud. قال ابن كثير ولهذه الآية وما ورد في معناها من السنة يستحب التجمل عند الصلاة لا سيما يوم الجمعة ويوم العيد والطيب لأنه من الزينة والسواك لأنه من تمام ذلك. Donc ce verset, ils en sont basés pour dire d'abord que c'était une obligation de fixer l'aura. Ibn Kathir nous dit, rahimahullah, que ce verset aussi, ce qui est venu dans la sunna, il montre qu'il est préférable de s'embellir à chaque salat, at-tajammulu 'inda kulli salat. C'est-à-dire que la personne, lorsqu'il prie, il se met plus beau que lorsqu'il sort dehors. D'accord? Il dit, la siyam yawm al-jumu'a wa yawm al-'id. Particulièrement le jour de jumu'a et le jour de l'Eid. Mais ça vaut pour toutes les salats. والطيب, et le fait de se parfumer. لأنه من الزينة, car cela fait partie de la beauté ou de la parure. D'accord? والسواك, لأنه من تمام ذلك, et de même le siwak. On veut dire que quoi? La personne, non seulement il couvre sa aura, mais comme il faisait certains salaf, il met son plus beau kamis, par exemple. Comme quand il fait la salat obligatoire. Non? Il s'habille de manière. Et on retrouve ça chez les salafs. قال ابن عمر لغلامه نافع لما رآه يصلي حاسرا أرأيت لو خرجت إلى الناس كنت تخرج هكذا قال لا قال فالله أحق من يتجمل له مجموع الفتاوى المجلد 22 صفحة 17 و100. يدي ابن عمر إلى جاسون اسكلاف أفخانشي نافع في rapporté de lui الحديث. Il a vu prier la tête nue. Vous savez que chez les salafs, sahaba, tabi'in, mais même en général chez les muslimines, jusqu'à ce que vienne la colonisation, la personne ne sortait pas dans la rue la tête nue. C'était une honte. Et particulièrement à l'époque des salafs. Et un jour, Ibn Omar, il a vu prier la tête nue. Et il lui a dit, est-ce que tu sors voir les gens comme ça? Chez les Arabes, c'était la honte de sortir la tête nue. Nafir, il lui a dit non. Il lui a dit, alors Allah a plus de droits que tu t'embellisses pour lui. Et si tu fais ça pour les gens, fais-le pour Allah, subhanahu wa ta'ala. De ça, ils ont sorti les ulama, comme quoi il est sunna de se couvrir la tête, particulièrement. Voilà, ça va. Si la personne prie sans se couvrir la tête, la haram, il n'y a pas de mal. Qal ibn Hazm, on revient à le jugement de base sur le fait de couvrir la aura. On aurait dû citer ses preuves en dernier, mais on a cité en premier. واتفقوا عن ستر العورة فيها لمن قدر على ثوب مباح لباسه مباح لباسه له فرض في مراتب الإجماع صفحة 53 ابن حزم غام الإجماع دي c'est une unanimité comme quoi il faut couvrir la aura que celui qui le peut doit couvrir sa aura avec un habit permis مباح pas haram on va voir ce que c'est les habits haram des exemples إن ابن قدامة رحمه الله تعالى والواجب الستر بما يستر لون البشرة فإن كان خفيفا يبين لون الجلد من ورائه فيعلم بياضه من حمرته وبياضه أو حمرته لم تجز الصلاة فيه لأن الستر لا يحصل بذلك نعم إدي ابن قدامة il est obligatoire de couvrir par quelque chose qui ne laisse pas voir la couleur de la peau. Si c'est fin et transparent, et qu'on voit la couleur de la peau, qu'on voit la blancheur ou la rougeur de la peau, il n'est pas permis de faire la prière avec cet habit. Parce que dans le morning, le jalad al-thani, samatalat, isna, salatina, wa mi'a. Aidé, rahimahullah, ibn Qudama, rahimahullah, وعودة ابن عمدة الفقه وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة إلى عورة la partie cachée de l'homme et de l'esclave et femme je parle ici et du nombril jusqu'au genou سرة والركبة عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت رواه أبو داود وابن ماجه. Ici on va pas rentrer dans la divergence. Est-ce que réellement la cuisse fait partie de la aura ou pas? Il y a un hadith qui est rapporté par Abu Daoud ibn Majah selon Ali, le prophète a dit, il a dit ne montre pas ta cuisse et ne regarde pas la cuisse d'un vivant ou d'un mort. Rapporté par Abu Daoud ibn Majah. Il y a un autre hadith عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين non pardon je me suis trompé ça le hadith n'a rien à voir donc ça c'est le hadith qui la preuve de ceux qui disent que la aura c'est du nombril jusqu'à genou il y a des preuves fortes des gens particulièrement Ibn Hazm qui rapportent que comment ça s'appelle qui disent que la aura c'est juste le farjain, c'est juste le devant et le derrière, le sexe et les fesses. D'accord? Le mieux, c'est de ne pas non plus nous montrer la cuisse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un autre hadith, وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء رواه البخاري ومسلم. Il dit, Abu Huraira rapporte que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie que l'un de vous ne prie pas, que l'un d'entre vous ne prie pas dans un seul vêtement et qu'il n'ait rien sur les épaules. Ça implique quoi? Il est torse nu. Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari aussi. Ça implique de ne pas faire la prière en Marseille. Et selon certains éléments, ça implique Al-Butlan, la nullité de la prière. La nullité de la prière de celui qui prierait, soit torse nu, soit en Marseille. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit. Ibn Hazm il voit que c'est il voit cela قال ابن حزم وفرض على الرجل إذا صلى في ثوب واسع أن يطرح منه على عاتقه أو عاتقي فإن لم يفعل بطلت صلاته فإن كان ضيقا اتزر به وأجزاه كان معه ثياب غيره أو لم يكن يجيب il est une obligation pour l'homme s'il prie dans un vêtement qui est assez grand d'en mettre une partie sur son épaule ou sur ses épaules. S'il ne fait pas cela, c'est salat et batila. Et batila, c'est dans le Muhalla, le volume 2, la page 390. Il dit ensuite Ibn Qudama rahimahullah. والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها. Et la femme libre est toute une aura. Toute est une partie à cacher. La femme libre est une partie à cacher. إلا وجهها وكفيها. Sauf son visage et ses mains. C'est-à-dire qu'il est une obligation pour la femme libre de couvrir tout son corps. Il dit sauf lui, il dit sauf le visage et les mains. C'est la vie de Ibn Qudama. On va pas détailler cette question. La preuve dans la salat, en tout cas, en Aïcha radiallahu anha, en Nabiya sallallahu alayhi wa sallam, a dit: La yakbalu Allahu salata ha'idin illa bi khimar. Allah n'accepte pas la prière d'une femme pubère, sauf avec un khimar. C'est rapporté par Al-Khamsa, Ashab al-Sunan, illa al-Nasa'i, sauf al-Nasa'i, c'est-à-dire par Abu Daoud al-Tirmidhi. Wa sahahahu Ibn Khuzaymata, Ibn Khuzayma l'a authentifié. Wa khimar al-mar'ati alladhi tughatti bihi ra'saha wa 'unuqaha. Le khimar, c'est ce qui couvre la tête d'une femme. Le nom khimar, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en langue arabe, c'est ce qui recouvre la tête, c'est le voile de tête, on va dire. D'accord? وهذا في توضيح الأحكام. قال ابن قدامة: أجمع الأهل العلم على أن للمرأة الحرة أن تخمر رأسها إذا صلت، وعلى أنها إذا صلت وجميع رأسها مكشوف أن عليها الإعادة في المغني المجلد الثاني صفحة 55 أو 100. ابن قدامة إلى دي العلماء sont unanimes pour dire que la femme libre doit couvrir sa tête dans la prière. Que si elle prie tête nue, si elle prie alors que sa tête est nue, elle doit refaire sa salat. Sur ça, il y a ijma, il y a unanimité. C'est dans le Mourni, volume 2. Donc, Ibn Qudama, rahimallah, il voit ici que la vie, que la femme libre dans la salat doit couvrir tout son corps, sauf le visage et les mains. Ici, c'est une petite note pour dire, pour ceux qui disent que le niqab, ça fait pas partie de l'islam, ou je sais pas quel zandaqa. Allah, il dit, subhanahu wa ta'ala, dans surat al-Ahzab, surat 33, verset 59, Ya ayyuhan-nabiyyu, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudunina 'alayhinna min jalabibihin, dhalika adna yu'rafna fala yu'zayn. وكان الله غفورا رحيما. Ô prophète, dis à tes femmes, à tes filles et aux femmes des croyants de laisser tomber sur elles leur djalabib, le pluriel de djilbab. Aïeb. Ibn Kathir dit, rahimahullah, قال علي قال ابن كثير قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويدنين عينا واحدة. وقال محمد بن سيرين سألت عبيدة السلماني عن قول الله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى. نعم. ابن كثير دي à propos de ce verset, Ali ibn Abi Talha a dit qu'Ibn Abbas, le cousin du prophète, celui qui a invoqué Allah pour qu'il comprenne le Coran, qu'Ibn Abbas a dit: Allah a ordonné aux femmes des croyants, lorsqu'elles sortent de leur maison pour un besoin, de couvrir leur visage par-dessus leur tête avec al-jalabib. Et Mohammed ibn Sirin, qui est un tabi'i, il a dit: j'ai demandé à Ubayd al-Salmani, qui est Allahu A'lam, un sahabi, à propos de la parole d'Allah Ta'ala, qu'elle fasse tomber sur elle, dans le sens qu'elle va tomber sur elle leur jalabib, faghatta wajhahu, il a couvert son visage, wa ra'sahu, et sa tête, wa abraza 'aynahu al-yusra, il n'a laissé voir que l'œil gauche. D'accord? Ça prouve que ce qu'on appelle aujourd'hui le niqab ou la buqa', le fait de se satr wajh al mar'a, le fait de se couvrir le visage de la femme, est conforme au Coran et à ce qu'ils faisaient les salaf. La question de l'obligation ou de l'istihbab, c'est une autre question. En tout cas, la shak annahu mashru', il n'y a pas de doute que cela est légitime, que cela est légiférer. Et que ceux qui disent que ça ne fait pas partie de l'islam ou que c'est une bid'a sont au mieux des mubtadi'a, au pire des zanadiqa. Au pire des zanadiqa. Et certains ulama, comme Ibn Raslan, comme l'a rapporté Shawkani, rahimahullah, dans Nail al-Abtar, il dit, اتفاق المسلمين على منع النساء يخرجن سافرات الوجوه لا سيما عند كثرة الفساق. Il y a une unanimité, des musulmans qu'il faut interdire les femmes de sortir le visage nu lorsqu'il y a beaucoup de pervers et de pécheurs. Ça c'est dans Nail al-Awtar, le volume 6, la page 122, c'est un ijma' sahih. D'accord? C'est l'ijma'a sahih. Et il y a d'autres ijma'at sur celle-là, sur cette question-là. Il dit Ibn Qudam ensuite, rahimahullah ta'ala, wa umm al-walad wa al-mu'taq ba'daha kal-ama. Et la mère d'enfant, c'est-à-dire l'esclave, qui a eu un enfant de son maître, et celle qui a été affranchi partiellement, ça c'est des questions liées à l'esclavage, qui demande développement, il dit sa aura, c'est comme la aura de l'esclave. Okay. Ensuite il dit, وَمَنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ مَغْصُوبٍ أَوْ دَارٍ مَغْصُوبَةٍ لَمْ تَصِحْ صَلَاتُهُ. Ibn Qudama, rahimahullah, il dit, dans Umdat al-Fiqh, celui qui prie dans un habit maghsoub, c'est-à-dire volé ou pris injustement à un musulman, ou dans une terre maghsouba, qui a été pris injustement, qui a été approprié injustement à un musulman, sa salat n'est pas valable. Sa salat n'est pas valable. Sa salat est batila. Cet avis-là, il a été défendu de plus, de même par Ibn Hazm dans le Muhalla, le volume 2, la page 351, et par Ibn Qudama dans le Mourni, donc, le volume 2, la page 269. وقال الشارح لأنه استعمل في شرط العبادة ما يحرم استعماله فلم يصح كما لو صلى في ثوب النجس. لأن الصلاة قربة وهي منهي عنها على هذا الوجه فكيف يتقرب بما هو عاص به أو يؤمر بما هو منهي عنه. يجي البهاء الدين بهاء الدين المقدسي رحمه الله ده العدة شرح العمدة. Il dit pourquoi on dit que celui qui prie dans un habit volé sa salat elle est batila. Pourquoi? Car il a utilisé dans une condition d'une adoration ce qu'il est interdit d'utiliser. Donc c'est comme si l'interdiction était, si cette condition-là, elle était absente. والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا. Ce qui est néant, qui n'existe pas dans la charia, c'est-à-dire qui n'est pas conforme à la charia, c'est comme s'il n'existait pas en réalité. Comme quoi? Comme le fornicateur. Le fornicateur, il n'est pas le père de ses enfants. Les enfants du fornicateur, ils reviennent à la mère. C'est un exemple. D'accord? Il dit comme la personne qui prie dans un habit impur. La personne qui prie dans un habit impur, c'est comme s'il était nu. Sa salat, elle est batila. Il a laissé une des conditions de la salat. La salat, c'est quelque chose par lequel on se rapproche d'Allah. D'accord? Et il est interdit de prier de cette manière-là. Donc comment se rapprocher d'Allah avec une chose qu'il a interdite? Vous comprenez? C'est la cause de la nullité de sa salat. On finit sur la question. Ibn Qudama il dit, rahimahullah ta'ala, ليس ولبس الذهب والحرير مباح للنساء دون الرجال إلا عند الحاجة. بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. Et le fait de porter de l'or et de la soie est permis pour les femmes, interdit pour les hommes. L'or et la soie. Sauf en cas de besoin. On va voir quoi. Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit sur l'or et la soie, ces deux sont haram pour les mâles de ma communauté, halal pour les femmes de ma communauté. Ce hadith est rapporté par Abu Daoud. Al-Haja, qala al-Baha, fi sharh, ka hikkatin aw qumlin aw maradin, yanfa'ahu lubsu, lian anasan روى أن عبد الرحمن بن عوف وزبير بن العوام شكوا القمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرخص لهما في قميص الحرير فرأيته عليهما متفق عليه. Et il dit, celui qui explique en date le fiqh à la page 65, il dit, comme une personne qui a des grattements, par exemple de l'eczéma, des choses comme ça, ou des puces ou ce qu'on appelle des poux de corps, ou une maladie, et que la soie est conseillée dans ce genre de maladie, dans ce cas-là, il a le droit de porter de la soie. Et ça, c'est rapporté que Abdurrahman ibn Auf et Zubayr ibn Awam, deux compagnons, se sont plaints au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam des poux de corps et il leur a permis, il leur a donné la dérogation de porter un qamis de soie. Il s'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ensuite, il dit Ibn Qudama rahimahullah, wa man salla min al-rijali fi thawbin wahid ba'duhu ala atiqihi ajza'ahu dhalik. Celui qui prie dans un seul vêtement, mais que l'une de ses qui recouvre l'une de ses épaules, cela lui est permis. On a déjà vu cette question-là. وَمَنْ صَلَّى فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا مَا يَسْتُرُ عَوْرَتَهُ سَتَرَهَا فَإِنْ لَمْ يَكْفِي جَمِيعُهَا سَتَرَ الْفَرْجَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَكْفِيهِمَا سَتَرَ أَحَدَهُمَا فَإِنْ عُدِمَ بِكُلِّ حَالٍ صَلَّى جَالِسًا يُومِي بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَإِنْ صَلَّى قَائِمًا جَاز. Ici dit dans l'Umda, Ibn Qudama rahimahullah ta'ala, Si la personne ne trouve comme vêtement que ce qui couvre sa aura, il couvre en priorité sa aura. D'accord? C'est-à-dire du nombril jusqu'au genou. S'il ne trouve que ce qui n'a de vêtement que ce qui peut recouvrir le derrière et le devant, il couvre en priorité le derrière et le devant. Vous avez compris? Si jamais il ne trouve pas de vêtement, si c'est l'un des deux, il couvre l'un des deux. Si jamais il ne trouve pas de vêtements, il prie assis. Ça, c'est ce qu'il dit. Assis, en faisant le recours et le sujoud. Mais s'il prie debout, cela est permis. Dans ce cas-là, il prie debout. D'accord. وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا ثَوْبًا نَجِسًا أَوْ مَكَانًا نَجِسًا صَلَّ فِيهِمَا وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ. Et celui qui ne trouve que un habit impur, ou un endroit impur, c'est-à-dire il n'a pas le choix, il prie et il n'a pas après à refaire sa salat. Comme la personne qui est emprisonnée ou quoi que ce soit, on a déjà parlé de ça, on a cité les paroles de Ibn Taymiyyah, de Ibn Hazm et d'autres. Wa burhanu dhalika qawlullahi ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Et la preuve de cela, c'est qu'Allah a dit craignez Allah autant que vous le pouvez. On fera les autres conditions au prochain dars. Wallahu a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.